Raymond Poirier, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben, ça va très, très bien, merci. Vous avez un teint d'été, en plus, là, que vous portez fièrement. Je pense qu'on l'acquiert tous un peu au fur et à mesure des fins de semaine où il ne pleut pas. Ce qui arrive à l'occasion. Ce qui arrive à l'occasion, oui. C'est-à-dire 75% du temps. Vous êtes ici pour nous parler de littératie numérique ce midi. Exactement. Un peu dans la suite de la chronique de la semaine dernière, oui, où on parlait de Code for Britain et l'idée, dans le fond, d'essayer d'accompagner la population dans l'acquisition d'une certaine culture numérique. Ça s'inscrit de manière beaucoup plus large dans l'idée de littératie numérique. Donc, oui, on a la littératie tout court. Donc, maintenant, de quelle manière on va utiliser l'Internet, on va questionner l'Internet, on va questionner les technologies, etc., etc. Et évidemment, ce type d'initiative-là et ce type de réflexion-là ne sont pas limités à l'Europe. Il y en a aussi qui sont menés au Canada. Il y en a qui sont menés un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Mm. Et donc, on s'est dit la semaine dernière, ça serait peut-être intéressant de poursuivre un peu cette exploration-là. Oui, effectivement, on n'avait pas terminé. Et il faut dire qu'on arrive dans un contexte aussi assez particulier où, dans le fond, les jeunes aujourd'hui, évidemment, les jeunes au sens large, là, se lancent aujourd'hui volontiers dans l'exploration des nouvelles technologies, dans l'exploration du web. Ils acquièrent rapidement des nouvelles compétences, deviennent souvent plus érudits que leurs aînés dans ce domaine-là, mais par contre, ils deviennent érudits en même temps qu'amateurs, oui, dans la mesure où il y a personne qui, bien souvent, va les accompagner dans les usages, va leur expliquer la nature des usages, parce que pas nécessairement beaucoup de gens dans leur environnement immédiat qui sont bien placés pour faire cet accompagnement-là. Donc, c'est aussi une génération d'amateurs dans l'utilisation et dans la compréhension qu'ils ont de ces outils-là. Alors, de quelle manière on peut rétablir le balancier? De quelle manière, d'un côté, on peut permettre aux gens qui forment l'environnement des jeunes d'aujourd'hui pour mieux les accompagner dans l'acquisition de cette littératie-là, de ces compétences-là? Et parallèlement, comment on peut mieux accompagner peut-être les jeunes eux-mêmes pour justement développer leur sens critique, développer leur type d'usage, développer leur regard sur les outils? Oui, parce que pour faire une petite comparaison, je me rappelle très bien, moi, quand j'étais jeune, j'apprenais mes tables de multiplication. Je savais très bien que 6 x 9, ça donnait 45. Ceci étant dit, je savais pas pourquoi ça donnait 45 et puis par la suite, on me l'a expliqué. Mais c'est un peu cette comparaison-là, là, finalement. On sait que ce code-là sert à ça, mais on comprend pas pourquoi on en est rendu là, finalement. Exactement. Et il y a un centre, en fait, qui s'appelle Abilo Media, qui est dédié justement à la promotion de la littératie numérique et de la littératie médiatique chez les jeunes, qui est au Canada et qui, eux, définissent, en fait, trois stades de compétences dans l'utilisation des technologies. Donc, ils disent, en fait, dans un premier temps, l'idée, c'est évidemment d'avoir accès. Donc, oui, si t'as pas d'accès, tu peux pas te former une littératie, tu peux pas développer des compétences. Et l'accès vient, lui, dans une dynamique de citoyenneté numérique. Donc, dans l'idée que aujourd'hui, pour être un citoyen du monde, pour être un citoyen actif de plus en plus, ben il faut aller vers les technologies, il faut les utiliser. Oui. Et donc, nécessairement, l'idée d'accès devient déterminante dans le fait d'être citoyen aujourd'hui. Évidemment, le fait d'y avoir accès, c'est une étape, mais encore faut-il ensuite savoir utiliser. Donc ça, c'est la deuxième étape que eux donnent. Donc l'idée, c'est simplement de pouvoir avoir accès et utiliser le courriel, utiliser le web, chercher. Donc simplement la base, le B.A.B.A., ce que la majorité des gens vont faire assez rapidement d'ailleurs. Mais évidemment, la clé de voûte, c'est pas l'utilisation. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on commence à acquérir une littératie numérique quand on comprend. Oui. Et eux, en fait, comprendre, c'est l'idée d'acquérir un ensemble de connaissances pour saisir, mettre en contexte et évaluer avec circonspection les médias numériques de manière à pouvoir prendre des décisions éclairées sur nos agissements, sur nos découvertes en ligne. Donc, des compétences essentielles, évidemment. Donc, l'idée de comprendre comment le web fonctionne, de comprendre et de reconnaître comment les technologies agissent sur notre comportement, de pouvoir appréhender l'économie du savoir, de pouvoir appréhender l'économie numérique, de pouvoir comprendre les incidences de nos décisions sur le web, de pouvoir savoir de quelle manière agir, de comprendre les notions de vie privée, de libre accès, de neutralité, etc., etc. Donc, tous les principes qui sont liés, si on peut dire, au web. Donc, ça, c'est un peu la phase 2. Donc, c'est l'idée de comprendre. Donc, il y en a beaucoup qui arrêtent à l'utilisation. Et l'idée, quand on parle de promouvoir la littératie numérique, c'est de s'assurer que les gens comprennent, oui, l'utilisation. Et généralement, quand tu comprends, ben ensuite, tu peux aussi te former de manière peut-être un peu plus critique, tu peux questionner tes usages, tu peux développer des nouveaux usages, tu peux apprendre à apprendre. C'est ça. Et ensuite, finalement innover, là. Exactement. Et ensuite, ben c'est justement la troisième étape qui est la création. Donc ce qu'on dit, c'est que pour savoir communiquer efficacement, créer des contenus numériques, eh ben il faut savoir comprendre et ensuite, mais ben, là peut-être justement que ça orientera notre mode de création, notre mode de diffusion sur ces nouvelles plateformes-là. Donc, y compris, bon, le web 2.0, les blogs, forums de discussion, etc., partage de photos, vidéos. Donc, évidemment, on peut utiliser ces médiums-là, mais l'utilisation n'est pas maximisée si on ne les comprend pas et si on ne comprend pas les incidences de ce qu'on diffuse, donc de notre utilisation. Exactement. Et puis là, je me rends compte que plusieurs personnes s'intéressent finalement à faire des plaidoyers pour la littératie numérique, mais il y a une espèce de doute qui plane présentement sur... qui va apprendre ça et pourquoi ils vont l'enseigner finalement. Et là-dessus, je me suis dit, sortons un sondage. Oui, c'est plaisant, des sondages, c'est sympathique. Et toujours le même centre, en fait, on fait un sondage qui date de 2014, donc les données sont quand même assez récentes, où ils explorent justement de quelle manière les jeunes aujourd'hui utilisent les technologies numériques. Il y a des points positifs, il y a des points plus négatifs. Dans les points positifs, ce qu'on remarque, c'est que de manière générale, les jeunes qui sont en âge de scolarisation actuellement sont très branchés. L'accès à Internet en dehors de l'école est pratiquement universel. On parle de 99%. On est en mesure d'avoir des accès. Évidemment, c'est pas un accès qui est uniforme non plus. Il faut quand même balancer. Donc, plus on est âgé, plus on a la chance d'avoir des outils précis. Plus on a de l'argent, plus on a la chance d'avoir des meilleurs outils également. Donc ça, il y a toujours cet élément-là. Ce qu'on sait, c'est que la plupart des jeunes Canadiens possèdent au moins des compétences de base en littératie numérique. Donc, la catégorie utilisée, là, pratiquement tout le monde en fait. Donc, presque tous les élèves utilisent les technologies en dehors de l'école, les réseaux sociaux et le reste. Il y a un nombre important d'élèves qui possèdent déjà des compétences avancées pour certaines pratiques, que ce soit comment bloquer une personne indésirable sur ton fil, afficher des photos, les paramètres de confidentialité. Ils sont capables, ils comprennent un peu cet élément-là. Ça, on remarque ça. Également, ce qu'on remarque, c'est que de manière générale, les élèves démontrent des habiletés quand même assez pertinentes à trouver de l'information en ligne. Donc, on sait qu'il y a 61% des jeunes en âge scolaire qui savent utiliser un moteur de recherche et qui l'utilisent. Il y en a 61% qui reprennent une recherche, ils sont pas satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus. Okay. Tu diras, bon, il y en a 40% qui le font pas, mais il y en a 60% qui le font. Voyons toujours le bright Exactement. Side of things. Après ça, il y a 35% des étudiants de la 7e à la 11e année qui utilisent des outils de recherche qui sont un peu plus avancés, donc qui rajoutent de la complexité. Et il y en a 50% qui vont faire défiler la page complète des résultats de recherche avant de cliquer sur un lien. Donc, ils vont voir les résultats, ensuite choisir. Donc, ça, c'est utilisé. Donc, on en est là de leur côté. Quand on parle de comprendre le contenu, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore là, il y a un large pourcentage d'élèves qui vérifient l'exactitude des informations qu'ils trouvent en ligne. Ah, ça, c'est bien. Donc, ça, c'est pas négatif. Il y en a 89% selon ce sondage-là qui vérifient les informations pour leurs travaux scolaires. 71% qui vérifient l'information qu'ils vont fournir à un ami ou un membre de leur famille pour être sûr qu'ils disent pas n'importe quoi. 66% qui vont valider l'information qu'ils trouvent pour le plaisir, pas dans un contexte d'information externe. Et il y en a 60% qui vont même vérifier l'information qui est présentée dans une nouvelle, dans un blog, dans de l'information en ligne. Ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'il s'en dit de la cochonnerie sur le web. Oui, il y a beaucoup de bruit. Oui. et fait intéressant, le nombre d'élèves qui vérifient l'exactitude des renseignements en ligne pour les travaux scolaires demeure relativement stable dans l'ensemble des niveaux scolaires. En fait, le pourcentage passe genre de 82% en quatrième année, 90% en cinquième année, et ça augmente tranquillement. Il y a différentes stratégies. Bon, l'essentiel, c'est que on a conscience que tout ce qui est écrit n'est pas nécessairement vrai et on essaie de le valider d'une manière ou d'une autre, ce soit en comparant avec d'autres sources, ce soit en validant que la personne qu'on lit a des crédits, a une validité, etc., etc. Donc ça, c'est pas inintéressant. Sinon, dans la catégorie compréhension, ben là, on tombe à des pourcentages peut-être un peu plus faibles. Et c'est là, justement, des fois, le hic. Les élèves expriment des connaissances limitées en ce qui concerne les aspects commerciaux des sites et des plateformes qu'ils utilisent. Il y en a 39% qui pensent à tort que les entreprises ne s'intéressent pas à ce qu'ils disent et font en ligne. Il y en a 68% qui pensent à tort que si un site web possède une politique de confidentialité, mais ils ne communiquera pas nécessairement leurs informations personnelles à d'autres, les utilisera pas nécessairement à d'autres. Il y en a 14% qui indiquent qu'ils utilisent leur cellulaire pour tricher pendant un examen à l'école. Ah, donc oui. Ça, c'est en 11e année. Autant que ça, 14, c'est pas rien. C'est quand même élevé, là. Donc ça, c'est des questions d'éthique numérique, évidemment. Il y a 46% des élèves qui sont d'accord avec l'affirmation suivante. Il n'y a aucun problème à télécharger de la musique, des émissions de télé ou des films illégalement, et ce pourcentage-là augmente au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc, en fait, ça passe de 26% en sixième année, et quand on est en onzième année, il y a 72% qui disent, ben oui, il n'y a pas de problème à télécharger illégalement des trucs. C'est un signe encourageant quand même de voir que ceux qui arrivent, finalement, dans ce modèle-là, se disent, ben non, ça n'a pas de bon sens. Bon, à tout le moins, il y a ça, mais il y a une petite partie de cette génération-là qui va falloir peut-être, sensibiliser. Exactement. Et évidemment, la faille peut-être de ce sondage-là, Jérôme, c'est que contrairement à l'évaluation dans le cadre de l'étude, donc la capacité des élèves à utiliser, à comprendre les médias numériques, eux, ils n'ont pas cherché à voir à quel point ceux-ci sont habiles à créer du contenu. Donc, l'idée, c'est plutôt d'essayer de voir à quelle fréquence ils en créent, mais on n'évalue pas la qualité du contenu qui est créé ou la nature de la diffusion du contenu qui est créé. Ce qu'on remarque, c'est que il y a une majorité d'élèves qui créent du contenu assez fréquemment, à peu près 3/4 des élèves qui vont publier des commentaires, des photos sur un site de réseautage social X, Y ou Z, et il y a un élève sur 6 qui va le faire une fois par jour. Donc, c'est quand même pas rien non plus là-dessus. Un petit nombre d'élèves publient fréquemment du contenu créatif. La majorité ne le font que rarement. En fait, il y a 38% qui ont déjà publié une histoire ou une œuvre d'art qu'ils avaient fait eux-mêmes, mais seulement un tiers d'entre eux qui le font une fois par année ou plus. Okay. Donc, c'est pas du nouveau contenu qu'on va créer. Et étonnamment, bien que YouTube est le site le plus populaire des élèves selon l'enquête d'Abilo Media, eh bien, il y a seulement un tiers des élèves qui publient des vidéos ou des fichiers audio d'eux-mêmes. 9% des garçons publient une vidéo au moins une fois par mois, 6% des filles à peu près. Et côté militantisme, toujours intéressant aussi parce qu'on voit que c'est le lieu de débat, eh bien, ce qu'on remarque, c'est que bien que 29% des élèves de la 7e à la 11e année ont déjà publié des commentaires sur des sites de nouvelles, mais il y en a seulement un petit pourcentage qu'ils font de manière régulière. OK, c'est vraiment des nouvelles qui les intéressent en tant que telles, probablement. Ça doit être justement des nouvelles qui concernent la dernière génération. Mais c'est quand même ahurissant de constater que on est certain qu'une une politique de confidentialité, ça règle tout. Puis ça me fait penser, t'as dû le voir cette semaine, ça a circulé beaucoup sur les médias sociaux, un sketch de John Oliver à Last Week Tonight qui parlait de la neutralité du web et qui disait que les entreprises ont très bien compris comment faire passer quelque chose d'horrible, c'est en le mettant dans les mains de quelque chose qui est vraiment plate. il disait, on pourrait inclure Mein Kampf dans la politique, dans le agreement politics de Apple finalement, et tout le monde dirait oui, j'accepte, ben oui. et nécessairement, en fait, la compréhension justement autant des politiques de confidentialité, autant des façons dont les algorithmes des sites fonctionnent, mais reste que ça a une incidence sur notre utilisation, ça a une incidence sur notre manière de l'utiliser, sur notre manière de comprendre ce qui nous arrive. Donc, si on sait pas comment, par exemple, fonctionne une recherche Google, si on sait pas pourquoi le site va me référer telle ou telle information, eh bien, c'est une connaissance qui peut être pertinente. Même chose sur Facebook. Donc, et là, on est simplement dans l'usuel. Donc, il y a des éléments qui, selon cet organisme-là, sont à bonifier, évidemment, et qui amènent aussi, justement, beaucoup d'États comme le Canada, comme la Grande-Bretagne, la France, etc., à se questionner sur la littératie numérique, à se questionner, à savoir si leurs citoyens en ont suffisamment, sont en mesure de mieux accomplir leur travail de citoyen sur le web, de mieux se protéger aussi, et de mieux apprendre aussi, et éventuellement apprendre à d'autres à justement se positionner dans l'intérieur de ces sphères-là. Ça va être très intéressant à suivre dans les prochaines années, tout ce qui se déroule autour du web, et le FCC aux États-Unis en a par-dessus la tête des questions et des projets à mettre en place. Raymond Poirier, on se voit la semaine prochaine? Dans deux semaines, c'est vrai. Tu m'en avais parlé, tu seras pas là la semaine prochaine. Ben, on te souhaite un bon deux semaines de congé. All right. Merci beaucoup, Raymond. Ça fait plaisir.